Chapitre 7. Madame Berthe, très absorbée dans la combinaison d'une toilette, sursauta légèrement en entendant près d'elle la voix de sa fille. « Je sors, maman. »« Ah, bien, tu prends la voiture ?»« Non, je vais à pied. J'ai besoin de faire un peu d'exercice. » Madame Berthe inspecta d'un coup d'œil prolongé le visage qui portait d'évidentes traces de fatigue. « Qu'as-tu, mignonne ? On croirait que tu n'as pas dormi. » Paul dit brièvement « Très peu et très mal, en effet. » « Étais-tu souffrante ?»« À tout à l'heure, maman. » Elle s'écarta pour se diriger vers la porte. Mais sa mère se leva et la retint par le bras. « Écoute, ma chérie, il faudrait reprendre le dessus, ne plus penser aux mauvais rêves que tu as faits. Tu te rendras malade. » Paul l'interrompit avec une sorte de rire sourd. « Ne plus penser que ma vie est perdue par la faute de cet homme, en vérité, voilà qui me serait impossible. C'est à chaque heure, à chaque minute, que je souffre en songeant à ce qui aurait dû être. » Ses lèvres se crispèrent, tremblèrent longuement. « Ce qui aurait dû être, je serais la femme de Raymond, j'aurais tout ce que l'on peut souhaiter, la fortune, la notoriété, une vie honorée près de l'homme estimé au-dessus de tous, et son amour. » Sa voix se brisa, le cerne s'accentuait sous les yeux qui reflétaient une pathétique désolation. La mère serra très fort le bras sur lequel sa main s'appuyait. « Quoi ? Tu le regrettes à ce point ? Tu... Oh, mon enfant ! » Vous me demandez si je regrette un homme comme lui ? Ah, quelle erreur a été la vôtre ! Quelle folle erreur ! Mais tu ne l'aimais pas, tu me l'as dit, Paul. Vous me l'aviez persuadé, vous mettiez en parallèle sa situation, son avenir, avec ceux de Daubray, vous vantiez la largeur d'esprit de celui-ci et m'effrayiez avec la prétendue intransigeance de Raymond. J'étais faible, ambitieuse et cet homme m'enjolait. Puis, à cette époque, je ne connaissais pas le prix de l'amour de Raymond, et moi-même, encore sous l'impression de notre amitié d'enfance, je ne me rendais pas compte du sentiment que j'éprouvais pour lui. Mais j'ai su bien vite. Oh, avant mon mariage, j'aurais dû rompre alors. Je ne l'ai pas fait, par orgueil, et je suis devenue la femme de celui que je n'aimais pas, que je ne pouvais même estimer. Ce que j'ai souffert était mérité. Mais si vous aviez fait de moi une femme sérieuse, profondément chrétienne, si vous m'aviez conseillé comme l'aurait fait tante Hélène, je n'aurais jamais songé à quitter Raymond pour un Daubray. » La main de Madame Berthe glissa sur la manche du manteau de fourrure. Le visage fané blêmissait, les yeux s'emplissaient de stupéfaction chagrine. « Mais mon enfant, mon enfant !» Paul s'écarta un peu avec un geste d'impatience. « Laissons cela, maman. Ce qui est fait ne peut se réparer. Ma vie est finie et lui n'a pas encore commencé la sienne. Ah, l'heureuse femme, que celle ! Et j'aurais pu !» Sa voix s'étouffa dans un sanglot. « Paul !» Madame Berthe se rapprochait, essayait de lui prendre la main. Mais la jeune femme se recula encore. « Non, laissez-moi, maman, je suis dans un très mauvais jour. Pardonnez-moi de vous avoir parlé ainsi. Ces reproches m'ont échappé parce que je souffrais trop. » Elle sortit de la chambre et se trouva dans le petit salon. Là, elle s'arrêta quelques minutes pour évoquer une fois de plus la scène d'autrefois. Raymond était venu ici lui demander de reprendre sa parole de fiancée. Elle l'avait fait, elle lui avait même dit qu'elle ne l'aimait pas. Des larmes vinrent à ses yeux qui firent le tour de la pièce élégante, toujours fleurie. Une glace lui renvoya son image. Elle s'approcha et se considéra longuement. « Non, je ne suis pas la Paul qu'il aimait, sa Paul, » songea-t-elle. « Je suis belle encore, mais plus comme autrefois, et j'ai perdu son estime en épousant Daubray. » Elle eut un soupir qui s'acheva dans une sorte de sanglot. Très vite, elle sortit et se mit à marcher hâtivement. Elle allait devant elle, sans but, dans le seul désir de se distraire de la pensée lancinante qui l'avait tenue éveillée toute la nuit. Elle s'aperçut tout à coup qu'elle se trouvait près de Saint-Séverin. Machinalement, elle fit quelques pas vers le porche. Puis elle se ravisa et se dirigea vers Saint-Julien-le-Pauvre. 5 ans auparavant, elle y avait assisté à un office du rite grec qui est celui de cette chapelle. En sortant, Raymond lui avait dit « Je viens souvent prier ici. J'aime cette solitude où je me sens plus près de Dieu. » Dans son désarroi moral, Paul éprouvait l'impérieux désir de revoir les lieux où elle avait passé près de lui, heureuse fiancée qui se laissait aimer, sans comprendre l'étendue de son bonheur. Elle venait aussi, sous l'influence d'un inconscient attrait, vers l'atmosphère chère à celui dont le souvenir ne la quittait plus. Comprendre et aimer tout ce qu'aimait le cœur ardent, la forte intelligence de Raymond devenait depuis quelque temps le but de sa vie. Elle ouvrit la porte et entra. L'intérieur était clair. Le soleil, à travers les losanges gris des verrières, étendait une lumière chaude sur les vieilles statues dressées au-dessous des fenêtres, avivait les peintures de l'iconostase et, tout au fond, éclairait les ors pâles de l'autel. Une seule personne se trouvait là, une femme, agenouillée sur un prie-dieu du premier rang. Ses poignets s'appuyaient à l'accoudoir et elle se tenait toute droite, les yeux fixés devant elle. Sa taille semblait mince, élégante, sous le manteau de bonne coupe. Hors du petit feutre noir paraissaient des cheveux d'un brun clair et doré. Paul eut un sursaut de stupéfaction. « On dirait Ariane, » pensa-t-elle. Elle avança de quelques pas. Oui, c'était bien Ariane, Ariane dans une église, à genoux devant un tabernacle. Paul restait debout, abasourdi, les yeux fixés sur sa belle-sœur. Le pur profil se découpait dans la lumière. Les lèvres restaient immobiles, mais le visage semblait frémir sous la poussée de quelque émotion, les cils palpitaient sur les yeux qui ne quittaient pas l'autel. Ariane n'avait pas bougé au bruit de la porte qui s'ouvrait. Elle ne tourna pas la tête en entendant le pas léger de Paul sur les dalles. Au bout de quelques minutes, elle inclina son front entre ses mains et s'immobilisa ainsi un moment. La lumière se joua sur la blancheur de sa nuque et sur le brun léger de ses cheveux. Puis la taille souple se redressa, les mains retombèrent et Ariane se leva, se détourna. Elle eut un mouvement de surprise, de contrariété peut-être, à la vue de Paul. Leurs regards se rencontrèrent, gênés l'un et l'autre. Ariane s'avança, serra la main de sa belle-sœur et toutes deux, en silence, sortirent de l'église. Au dehors, Paul s'arrêta et demanda « Es-tu donc chrétienne maintenant, Ariane ?» Le regard d'Ariane avait repris sa tranquille fermeté. Il parut en outre à Paul, éclairé d'une lumière très chaude, comme un brûlant reflet d'âme. « Oui, je le suis, de désir tout au moins. » J'étais venu dans cette église pour réfléchir, pour sonder mon âme, et je me suis aperçu que j'avais la foi, que je priais. En vérité, jamais je n'aurais imaginé. Que dira ton père ? Je suis libre de ma pensée. Mon père m'a toujours déclaré, tu croiras ce que tu voudras ou rien du tout. Dans cette nuit morale où il m'a engagé, la vie, la lumière se montrent à moi. Il ne peut rien pour m'en éloigner maintenant. Comment en es-tu arrivé là ? Comment ? Mais s'il te reste quelque chose de tes croyances, Paul, tu dois savoir que les âmes sont amenées insensiblement par les chemins les plus divins jusqu'au seuil de la foi, ce seuil que j'ai franchi tout à l'heure. Pour moi, ce fut l'impression du vide de toutes choses autour de moi, l'effroi de la mort de mon être pensant et de mon cœur. Ce fut encore le mépris, l'amer dégoût que m'inspiraient les turpitudes humaines. Cependant, j'avais une telle soif de croire à quelque chose de grand, de pur, d'immense, à de l'éternel. Le sang parut palpiter sous la vivante blancheur des joues et s'y répandit en un afflux rosé. « De l'éternel !» répéta machinalement Paul. Elle n'écoutait qu'à demi sa belle-sœur. En la regardant, elle songeait « Quel charme elle possède ! Et il l'aime ! Il l'aime !» Ariane continuait à mi-voix. « Puis j'ai vu de près de vrais croyants, de ceux qui mettent leur conduite d'accord avec leur foi. Une âme de femme s'est montrée à moi, si belle dans sa conception chrétienne du devoir, si heureuse au milieu de ses épreuves, parce qu'elle souffrait en union avec son Dieu et qu'une joie éternelle l'attendait. J'ai encore vu de très près des misères, des tristesses de tout ordre, et j'ai constaté combien une ferme croyance en un Dieu consolateur les adoucissait en les ennoblissant. Oui, j'ai compris que la douleur, maudite par le monde, peut être supportée sans désespoir et sans révolte quand on s'appuie sur celui qui en a pris le fardeau pour nous sauver. Paul eut un rire bas et moqueur. Tu oublies une autre raison de cette volte-face. Un peu de surprise parut sur la physionomie d'Ariane. Je crois t'avoir dit les principales. Non, pas la principale, la seule peut-être, car à toutes les autres, je ne crois pas. Mais que tu te convertisses pour l'amour de Raymond, cela, je le comprends. Sur le visage d'Ariane, la teinte rose devint plus foncée. Les regards des deux femmes se pénétrèrent. Celui de Paul, cherchant à voiler sous l'ironie la souffrance jalouse, celui d'Ariane, fier et indigné. Ah, tu le comprends. Eh bien, moi, je ne le comprendrai pas. Je n'accepterai jamais de tromper l'homme que j'estime au-dessus de tous. Tiens, je puis bien te le dire, j'ai crainte d'abord d'être dirigé par ce motif dans l'attrait qui me portait vers sa religion. Je m'en tourmentais comme d'un manque de droiture. À ce moment-là, je n'aurais su que répondre si tu m'avais parlé comme tu viens de le faire. Mais mon intention, obscure d'abord, s'est précisée. Tout à l'heure, devant cet autel, j'ai vu nettement que, si Aymon Even, le premier, m'avait attiré vers ses croyances par le rayonnement de sa foi, de sa haute vie morale, la religion du Christ, étudiée, méditée par moi sous la conduite de Madame Even, saurait maintenant me retenir pour toujours. Si je n'en étais pas sûre comme je le suis aujourd'hui, je ne ferais jamais le pas qui me sépare de la croyance pratiquante, car je ne puis admettre que, même pour le plus aimé des hommes, on cherche à se tromper soi-même et encore moins à le tromper. » Paul murmura. « Ainsi, c'est vrai, tu l'aimes. Je n'ai pas à te le cacher. Et lui, il ne m'a rien dit. » La voix d'Ariane se faisait brève, un peu impatiente. Ses yeux se détournèrent de ceux qui cherchaient à sonder sa pensée, tandis qu'elle s'écartait légèrement. Paul répéta à mi-voix « Il ne t'a rien dit ?» Elle considérait sa belle-sœur et une amère jalousie l'envahit devant cette fraîcheur de jeune fleur, cette grâce charmeuse qui s'était encore accentuée depuis quelque temps, lui semblait-il. Elle murmura d'un ton d'âpre triomphe « Moi aussi, il m'a aimée !» Un reflet de soleil environnait les deux jeunes femmes, éclairait le visage de Paul, dont il accusait les petites flétrissures, menaçant déjà la trop fragile beauté qu'une vie mondaine et les soucis fanaient prématurément. Ariane dit avec une pitié un peu méprisante « Oui, il t'a aimé comme tu ne méritais pas de l'être, et tu lui as préféré Ferdinand. Ferdinand !» Elle eut un rire bas chargé d'ironie. « Ah, folle ! Ferdinand, au lieu des veines ! Paul, quel vent de démence soufflait donc sur toi à ce moment-là » Les lèvres de Paul tremblèrent, tandis qu'elle murmurait « Je ne sais. Oui, c'est vrai, j'étais folle. Ferdinand, au lieu de Raymond !» Quelqu'un venait vers la chapelle. Les jeunes femmes se turent et s'éloignèrent de quelques mètres. Paul tendit la main à sa belle-sœur. Elles se séparèrent froidement, comme si toutes deux ne venaient pas de dévoiler quelque chose du secret de leur âme. Ariane, machinalement, se dirigeait vers le palais, bien qu'elle n'y eût rien à faire à cette heure. Les pensées se pressaient dans son cerveau à la suite de cet entretien inattendu. Elle venait de surprendre chez Paul la jalousie de la femme autrefois aimée, qui aime à son tour et s'aperçoit avec désespoir que l'indifférence seule lui répond, qu'une autre a pris la place délaissée par elle. Ariane songeait « Elle est maintenant mon ennemie, mais je ne la crains pas, Even ne l'aime plus. C'est moi qui l'aime et aucun obstacle ne nous sépare désormais. » Une vive allégresse la pénétrait. toute sa jeunesse ardente chantait l'hymne du bonheur. Et une autre joie s'ajoutait à celle-là. En son âme, elle sentait vivre la foi. Elle n'était plus la plus petite individualité, jetée à travers le monde sans guide, sans but, pauvre chose que la mort prend sans en laisser rien subsister qu'un peu de cendre. Maintenant, elle se rattachait par sa croyance à une filiation divine. Elle pouvait s'appuyer sur une autorité indestructible, croire à l'amour qui ne trahit jamais, à la justice sans défaillance, à la sainteté sans ombre. Elle voyait aussi une vie éternelle, une joie sans fin, dont la seule pensée dissipait cet effroi de la mort qu'elle avait jadis avoué à Raymond. Elle pensait « C'est à lui, c'est à sa mère que je dois ce bonheur. Sans eux, je serais probablement restée dans les ténèbres. Ils ont été sur ma route comme une lampe ardente. Ils m'ont maintenue dans les sentiers droits par le seul rayonnement de leur beauté morale. » Elle traversait la Seine. Devant elle s'allongeait le boulevard du Palais où les voitures se croisaient en un incessant va-et-vient. Au passage, à travers la cour de mai, elle jeta un coup d'œil sur la froide et monumentale façade où trois portes immenses donnent accès dans la galerie des Pas-Perdus. Elle songeait « Il s'imposera de plus en plus ici par son magnifique talent, par la forte séduction qu'il exerce sur toute cette jeunesse avide de l'entendre. » Une joie orgueilleuse s'insinuait en elle à cette pensée. Elle faisait bon marché maintenant de ses succès personnels. Ceux de l'homme aimé seuls lui importaient. Elle se sentait heureuse à l'avance de n'être qu'une ombre dans le sillage de celui qu'elle avait élu comme le maître de sa vie. Devant elle, la Seine glissait dans un éblouissement de clarté chaude. Au loin, sur le fleuve, sur les toits, une brume lumineuse s'étendait encore. Ariane se disait « Comme tout est clair ce matin, comme Paris est charmant !» Ses yeux semblaient absorber toute cette lumière, toute cette beauté. Un frisson courait en elle, émoi délicieux de sa jeunesse, devant le bonheur, devant l'amour. Comme il était loin, ce scepticisme dont elle faisait profession autrefois, très sincèrement. Comme il faisait chaud aujourd'hui dans son cœur. Elle se détourna pour quitter le quai. Devant elle, les deux vieilles tours rondes se dressaient, encadrant la charmante porte gothique de la conciergerie. Dans la vive lumière de ce soleil déjà printanier, elle demeurait rébarbative, sous leur revêtement de pierre noircie, avec leurs ouvertures étroites qui semblaient refuser au soleil le droit d'entrer. Mais, en les regardant, Ariane avait encore dans les yeux toute la clarté qu'elle venait de contempler. Elle sourit au tour sombre en songeant « Je ne crains plus la vie ni la mort, je crois en un Dieu éternel. »